人だ、 かわいい人だ。 おい、 かわいい人 だ。おい、クーツァ、 おい。で、で、si tu veux que ça dure longtemps, bien sûr, évidemment, faut que je cache mon temps. Ce qu'on a passé ensemble, tu oublies pas ce boucan. Wesh, grande gueule de mon bis, bouge tes fesses, t'entends. Qu'est-ce que t'attends, réagis comme ce que fait ce battant. T'oublies rien ni de mauvais, tu seras sans cesse gagnant. C'est maintenant, t'es mon flow, à aucun moment. N'a changé, c'est un bon père, une bonne maman. Dans le bitume pour le chagrin, t'as ça comme nounou. Entre le fils et le menotte, t'as eu comme doudou. Enfin, si tu veux que ça dure longtemps, écoute ça, mets-toi bien, c'est un bon montant. En tout cas, une chose, ne veux pas perdre mon temps, mon grand. Monter tout ça, t'as vu tout le temps, comprends, comprends. Y'a que les traîtres et que les balles qu'on craint. Bref, si tu veux que ça dure longtemps, dans cette vie, lève la tête et puis serre les dents. Serre les dents. Fait dur, vas-y tire de trois lattes. Sur mon premier niaque, c'est du mat qui me fout la patate. Conditionné s'il faut à grailler chaque jour des pattes. Quand il s'agit de faire du bif, on met la main à la pâte. D'abord ça profite à la mif, ensuite agresser des pattes. Essaie de nous la mettre, on t'a franchi à coups de patte. Si tu veux que ça dure, qu'on crée du son qui déboîte. Soutiens-nous et mise un peu sur l'opus d'Arafat. Si tu veux que ça dure, va falloir que tu te doites. Plus d'une décennie que les tympans des faux M6 éclatent. Milite, si tu veux te faire une identité, que tu sois antillais, africain, d'Europe de l'Est ou asiate. Pourvu que dure l'espoir de ces américains blacks dans l'investiture de la baraque blanche par Obama et de ceux qui nous vendaient en Alabama. Si tu veux que ça dure, tu sautes comme à Oklahoma. Comparaison n'est pas raison. C'est le ton qui fait la musique et pas le son qui fait la chanson, crétin. A beau mentir qui veut, qui vient de loin chez nous autres, est celui qui en fait le moins. C'est en forgeant que nos dés forgeront. Si tu veux que cela dure, perdure l'aventure. Mieux vaut tenir que courir par mesure de sécurité. Prudence et mère de sûreté. Sois raconté, s'entêter, m'embêter. Ne fera pas que de moi tu obtiendras du respect. C'est par la valeur de l'ouvrage que l'on juge celui qui l'a fait. En effet, bien mal acquis ne profite jamais. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Ou bien